Audiomatic. Again comes the rising of the sun. Another day when we've begun. The unfinished chores of yesterday. We set about to find our way. We always finish and begin. We go through life until the end. And hear all the things we do. We build it up. Tomorrow is always another day . Guess we'll keep going the same old way. Rising of the sun. Another day when our work has begun. We look for the better things in life. Seeking to find an answer day and night. Always studying and planning to make a profit. And in the end, we sometimes wonder if it's worth it. And here are the things we do. We build it up. Time is gone, but tomorrow is always another day. Yes, we'll keep going. The same old we rising of the sun. C'est sur la musique du groupe dirigé par Albert Eiler que s'ouvrait la transmission 368 d'Audiomatique avec la pièce Again Comes the Rising Sun apparaissant sur The Last Album paru en 1971, soit quelques mois après la mort du saxophoniste dont le corps a été retrouvé flottant sur la East River à Brooklyn en novembre 1970. C'est le guitariste américain Lee Ranaldo qui assure la continuité à Audiomatique. À Audiomatic, nous entendions le duo allemand Hack de Picciotto, composé de Alexander Hack, membre entre autres du groupe Ensturzinde Neubauten, et sa conjointe Danielle de Picciotto. Ils nous interprétaient la pièce Journey East qui se retrouve sur leur plus récent album The Silver Threshold. Précédemment à Hack de Picciotto, il s'agissait de Lee Ranaldo, mieux connu comme guitariste du groupe Sonic Youth. De son mini-album solo intitulé In Virus Times, nous entendions sa composition In Virus Times Part 4. Et Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique de Dead Can Dance. Thank you. À Audiomatique, nous venons d'écouter une composition jouée par l'orchestre du saxophoniste et flûtiste Pharoah Sanders, soit la pièce-titre de son album Wisdom Through Music, publié en 1973. Et avant cela, nous entendions la formation Dead Can Dance avec sa pièce Song of the Dispossessed, chantée par Brandon Perry, et se retrouvant sur l'album Spirit Chaser, paru en 1996. Cet album a marqué la séparation du célèbre duo jusqu'à ce qu'il réapparaisse en 2005 pour une série de concerts et produise ensuite un nouvel album en 2012. C'est au tour du collectif congolais Kasai All Stars de se faire entendre à Audiomatique. Thank you. Nous vous avons offert à Audiomatique la musique du groupe belge Aksak Maboul par l'entremise de la chanson « Tout a une fin », ici remaniée par le groupe de No Twist. Cette pièce est extraite de l'album « Redrawn Figures 1 » qui regroupe des versions remixées de pièces apparaissant sur l'album « Figures » sorti en 2020. Et pour débuter, nous avions droit au collectif congolais Kasai All Stars et sa chanson The Goat's Voice, PQ's Trip Mix. Cette version est tirée du mini-album Black Ants Remixes EP, tandis que la version originale de la chanson The Goat's Voice est parue sur le plus récent album de Kasai All Stars, Black Ants Always Fly Together, One Bengal Makes No Sound. C'est sur la musique Date Static que se conclura cette transmission d'Audiomatique avec la pièce intitulée The Gates se trouvant sur leur plus récent album La Ship to Paradise sorti en 2017. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et également mixcloud.com/audiomatique si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc pour terminer Eat Static et la pièce de Gates. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Thank you. Thank you.